Défier les croyances. J'étais sur le point d'appeler le titre de cette conférence « Défier ses croyances ». Mais ses croyances, en disant ça, on part d'un principe, la pensée réfléchie. Mais si on aborde le phénomène des croyances en relation avec le principe que la pensée vient d'ailleurs, on va parler plutôt de défier les croyances, c'est-à-dire les idées qui nous sont acheminées dans le mental, dans la conscience. Donc, défier les croyances, c'est la façon de s'émanciper sur le plan individuel, puis de regarder en pratique qu'est-ce qu'il y en est. Parce que les croyances, c'est théorique. Donc, on peut croire, par exemple, que si on ne mange pas un repas, on saute deux repas, on va être fatigué. Ça peut être une croyance qu'on peut nous amener dans le mental. Mais en faisant des tests de réalité, moi-même, j'en ai fait à ce niveau-là. J'ai pratiqué le jeûne, puis au moment où je vous parle, j'ai entamé un jeûne. Le jeûne que j'ai entamé, bien, c'est un jeûne à l'eau. C'est-à-dire que je ne mange pas de nourriture solide, mais je me nourris d'eau. Et j'ai décidé de faire cette expérimentation-là en ayant conscience de l'impact du jeûne sur mon corps dans le cadre d'expériences précédentes. C'est-à-dire que à quelques reprises, au fil des derniers mois, j'ai expérimenté le jeûne et j'ai fait des constats, des observations. C'est-à-dire que si je ne mange pas pendant une journée, habituellement, j'ai plus d'énergie, puis le lendemain aussi, pendant au moins peut-être la moitié de la journée. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, d'expérimenter un jeûne qui dure environ une journée et demie, habituellement, j'ai plus d'énergie. Et c'est sûr que par la suite, l'effet diminue, parce que j'ai fait un jeûne, entre autres, qui a duré pendant 3 jours lors du printemps de l'année 2020, pendant la période de festivités de Pâques, associé à la résurrection du Christ. Donc, j'ai profité de cette période-là pour faire un jeûne de 3 jours. Mais la première journée et demie, j'avais plus d'énergie. J'en ai profité pour faire du ménage, pour travailler plus physiquement. Puis après ça, ben j'avais moins d'énergie corporelle dans mon cas. Donc, des observations individuelles. Donc, faire des tests de réalité pour défier les croyances qu'on pouvait avoir. Parce que depuis que j'étais jeune, avant d'expérimenter avec le jeûne, je croyais que j'allais être à moitié mort, là, tu sais, être très fatigué après une période de temps où ce que j'ai sauté un repas, j'ai pas mangé, par exemple, le midi, puis même chose pour la soirée. Alors qu'en réalité, c'est le contraire qui s'opère. Et c'est sûr que ça va un peu à l'encontre du sens commun. Parce que beaucoup de gens qui vont dire, ben là, si vous mangez pas, vous allez tomber fatigué, vous allez tomber amorphe. Mais le jeûne qui est vécu à court terme, dans mon cas, je ne parle pas pour les autres, ce que je peux dire dans mon expérimentation personnelle, c'est qu'à court terme, pour ce qui est d'une période entre quelques heures et une journée et demie, au contraire, j'ai plus d'énergie. Et j'ai décidé d'entamer un jeûne parce que dans les derniers jours, j'avais moins d'énergie. Au moment où est fait cet enregistrement, bien, on est encore en période de crise de coronavirus. C'est pendant le temps des fêtes de l'année 2020-2021. Et j'ai pas la possibilité de m'entraîner en salle comme à l'habitude pour dépenser mon énergie. Et c'est sûr que pendant ce temps-là, la SAQ, la Société des alcools du Québec, donc qui est une entreprise gouvernementale, bien est ouverte et j'en ai profité pour à plusieurs reprises dans les derniers jours boire du vin et manger aussi en bonne quantité, donc fêter le temps des fêtes sur le plan culinaire. Et d'ailleurs, ma mère a fait du bon sucre à crème que j'ai apprécié, mais c'est très sucré. Donc j'ai beaucoup mangé, j'étais plutôt amorphe. Et dans la journée d'hier, eh bien, j'étais fatigué à rien faire, comme on dit. Je me dépensais pas physiquement. Je passais du temps à regarder des films, à regarder l'ordinateur. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça va faire. Parce que là, je suis dans une dynamique de la léthargie, une dynamique de l'inertie. Donc, je me suis couché tôt hier soir, à peu près vers 8h20 du soir. Puis un matin, je me suis dit, je vais me lever tôt. Je vais me remettre en forme, puis je me mets dans une dynamique d'activation corporelle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été courir à l'extérieur C'est sûr que je vais préférer courir sur un tapis roulant. C'est plus confortable d'avoir le contre-coup des jambes sur une surface de caoutchouc. Donc, je trouve ça plus agréable. Mais comme les salles d'entraînement ne le sont pas ouvertes en période de crise de coronavirus, bien, j'ai été à l'extérieur courir. Et au moment où j'ai fait l'enregistrement, bien, la température était propice pour ça. J'ai couru à l'extérieur avec des chaussures avec des bonnes semelles pour limiter l'impact du contre-coup sur mes genoux, de l'asphalte, naturellement. J'ai un côté douillet, je vous le dis tout de suite. Et bon, par la suite, j'ai été marcher avec ma compagne. J'ai pas déjeuné. On a été au centre d'achat. Donc, au moment où on fait cet enregistrement, on est présentement le 28 décembre de l'année 2020, donc entre la période de Noël et le jour de l'an. Et le gouvernement a décidé de fermer le centre, en fait les centres d'achat, c'est-à-dire de fermer les magasins, se trouvant dans les centres d'achat, mais dans les magasins aussi à l'extérieur des centres d'achat, à la vente des produits qui sont non essentiels jusqu'au 10 janvier. Donc, je me suis promené là où ce que je suis à Tetford-Bise. Il y a un centre d'achat qui s'appelle le Carrefour Frontenac, et puis j'ai été à l'intérieur avec ma compagne. On observait que l'ensemble des magasins, que ce soit Sport Expert qui vendent des articles de sport, ensuite des magasins qui vendent des vêtements, étaient fermés à l'exception d'une boutique qui vend des téléphones cellulaires. Donc, c'était vide, c'était mort. Par la suite, j'ai été à la pharmacie, parce que sachant que la pharmacie, c'est considéré comme un service essentiel où on peut trouver des médicaments, entre autres. Et j'ai été m'aller une lettre à la poste et je regardais dans la pharmacie, il y avait des sections qui étaient fermées, d'autres qui étaient ouvertes. Et ensuite, on a été chez Walmart, après avoir été à la pharmacie. Walmart, qui est un gros commerce ici au Canada puis aux États-Unis, là, avec une grande surface, avec plein de produits. Puis là, ma curiosité, c'est sûr qu'en période de crise, il n'y a pas grand-chose à faire. C'était d'aller voir, constater sur place qu'est-ce qu'il en était vraiment. Parce que sur Facebook, il y avait des gens qui avaient pris des photos en lien avec le magasin Walmart où on voyait des rangées qui étaient fermées, qui étaient bloquées. J'ai vu la même chose dans des bulletins de nouvelles. Et là, j'ai décidé d'aller voir dans le concret c'était quoi. Donc, je me suis présenté. On s'est promené, moi et ma compagne, dans le Walmart. Puis c'était tout simplement pour... regardez qu'est-ce qui se passe par rapport à la crise. Des fois, j'ai l'impression que je suis un cobaye d'une expérience sociale inusitée. Donc, on a une émission ici au Québec qui s'appelle « Tester sur des humains ». Donc, ils regardent le comportement des êtres humains par rapport, par exemple, à d'autres individus et ainsi de suite. Et là, j'ai l'impression qu'on regarde un petit peu notre comportement, comment qu'on se comporte, dans le sens que c'est sûr que il y a sans doute des forces gouvernementales qui regardent comment la population va se comporter par rapport aux mesures, si sont favorables ou non, voir s'il y a lieu de réajuster le tir. Mais on est dans une expérience sociale inusitée avec les mesures de confinement et autres. Et là, c'était de regarder dans le commerce, c'est quoi que les responsables du commerce jugeaient comme étant un bien essentiel ou non. Donc la nourriture, ça, je m'y attendais que ça soit jugé comme un bien essentiel. Par contre, pour ce qui est des vêtements chez Walmart... Donc, les vêtements comme les manteaux qui sont chauds d'hiver, les gants, les mitaines, non, ça, c'est pas essentiel. Fait que c'est sûr qu'il faudrait pas que quelqu'un passe au feu pendant la période du temps des fêtes et que toute sa garde-robe soit incendiée, parce que la personne, ça serait problématique pour elle. Hein? Ensuite, on se promenait, on a regardé, les produits de beauté, non, ça, c'est pas essentiel. Ensuite, les livres, c'est pas essentiel. Les jeux pour enfants, c'est pas essentiel. Donc, on voyait qu'il y avait des marchandises qui étaient bloquées. Des fois, ils prenaient une espèce de sac de poubelle pour carrément cacher une étagère au complet. D'autres fois, il y avait des cordons, comme dans la section des vêtements qui étaient mis pour nous empêcher d'aller dans la section où habituellement là, les vêtements sont en vente. C'était tout simplement de voir un commerce sous un autre œil en période de crise. Parce que pour diminuer l'achalandage, entre autres dans les commerces, les centres d'achat, bien, le gouvernement a mis en place une consigne comme de quoi jusqu'au 11 janvier, Il est interdit pour les commerces de vendre des biens qui ne sont pas jugés comme étant essentiels. Et c'est sûr que, bon, dans la période du temps des fêtes, surtout pour la période d'après Noël, où il y a des retours de cadeaux, le Boxing Day aussi, le 26 décembre, il y avait souvent de forts achalandages des centres d'achat. Donc, c'est sûr que cette mesure vise, entre autres, à contrer cela, dans l'optique d'éviter la propagation. Donc, un matin, j'ai pas mangé, j'ai bu de l'eau, je me suis entraîné physiquement. Ensuite, après avoir été au centre d'achat, ben, ma compagne a mangé. Et pas obligé de m'accompagner naturellement là, dans cette activité de jeûne que j'ai entrepris aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on a écouté un épisode d'une télésérie sur Netflix qui s'appelle Designated Survivor. Ça s'appelle en français le survivant désigné. Mais même si on l'écoute en français, ça s'appelle pareil de Designated Survivor. Et l'action se déroule à Maison-Blanche, donc aux États-Unis. Et là, il y a eu un complot qui est fait là, par rapport au président américain ainsi que des membres du Congrès qui sont tués. Donc, c'est comme ça que commence l'intrigue, le début de la télésérie, où il y a une attaque qui est faite par rapport au Congrès américain. C'est sûr que par la suite, toute l'intrigue repose là-dessus. Il y a des rebonds du cyber. Donc, j'écoute ça. Donc, pour les gens, c'est sûr que s'il y en a qui m'écoutent, qui aiment les intrigues à caractère politique, donc c'est très intéressant et ça me donne une idée un peu qu'est-ce qui peut se passer alentour du président. Dans le cadre de la télésérie, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a eu une attaque, puis rapidement, le président américain a eu de la pression pour désigner comme étant le responsable de l'attaque, un membre d'un groupe terroriste. Donc, une vidéo par la suite est diffusée de ce membre-là terroriste pour amener les Américains à se rallier contre le terroriste, naturellement. Et c'est sûr que stratégiquement, la vidéo est dévoilée par un membre d'administration du gouvernement dans la télésérie au moment où la légitimité du gouvernement est questionnée, parce que c'est sûr qu'une fois que les membres du Congrès sont décédés, il reste le survivant désigné. Et c'était pas quelqu'un qui s'était présenté aux élections, qui avait été élu comme le président américain, qui va prendre sa place. Donc, la personne n'a pas été élue d'une manière démocratique. Et tout simplement là, parce que c'est la survivante désignée. Et sa légitimité est questionnée. Et pour faire diversion, parce que les gens pourraient douter de sa compétence, etc., ben rapidement, une vidéo est mise en ligne pour occuper l'opinion publique, les médias sociaux, comme de quoi qu'il y a un méchant terroriste qui a accompli l'attentat qui a amené la destruction là, d'une partie du Capitole aux États-Unis où il y avait les membres du Congrès alors que le discours de l'Union était prononcé. Donc, on voit que l'idée de la menace terroriste peut être utilisée pour faire diversion, pour amener l'attention du public à centrer sur autre chose. C'est intéressant comme stratégie, puis il y a beaucoup de stratégies comme ça politiques qui sont dévoilées à travers l'enregistrement. Fait que ça m'éduque. Puis en même temps, ben c'est divertissant parce qu'il y a beaucoup d'intrigues. Et puis c'est sûr que par rapport à ça, il y a plusieurs épisodes. Donc j'ai commencé à écouter ça pendant le temps des fêtes. Je suis très satisfait. Fait que c'est pour ça que je voulais vous le mentionner. Donc, sinon, pour ce qui est du thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est défier ses croyances, bon, ben, pendant que ma compagne mangeait, j'écoutais avec elle, on écoutait deux épisodes. Ensuite, j'ai été capable de faire mon yoga. J'ai plein d'énergie. J'ai fait du ménage. J'ai passé l'aspirateur, la balayeuse chez moi pour nettoyer les planchers. Et là, j'ai toujours d'énergie, donc j'ai décidé de faire un enregistrement. Et c'est sûr que ma prédiction que j'avais faite, parce qu'à force de faire des expériences de jeûne, je commence à me connaître, à apprivoiser mon corps, donc c'est souvent utile comme connaissance de soi. Ma prévision, c'était que la première journée d'un jeûne, j'allais avoir plus d'énergie, puis probablement que demain matin, j'aurai encore beaucoup d'énergie aussi, mais après ça, ça va tomber progressivement. Puis le jeûne, ça crée une stimulation au corps, un peu comme si on prend le corps physique, puis on va le tremper dans l'eau très froide. Il y a un effet de choc qui est créé, un effet, pas un choc dans le sens négatif du terme, mais un effet de contraste. C'est comme si ça stimule mon corps. pour qu'il soit vivant. Parce que dans les derniers jours, j'ai beaucoup mangé. J'étais plutôt léthargique. Hein. Je mangeais, j'écoutais des films. Il n'y a pas grand-chose à faire pendant cette période de crise de coronavirus. Les activités de loisirs étant limitées, on ne peut pas aller au cinéma. On ne peut pas aller en personne au restaurant. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Donc, je passais beaucoup de temps dans la solitude. Et c'est sûr que ce que je dis aujourd'hui, je voulais vous le partager parce que ça va à l'encontre du sens commun. Dans le sens commun, on va dire, ben là, si tu manges pas, tu n'auras pas d'énergie pour faire du ménage, pour bouger physiquement. Alors qu'un matin, je me suis entraîné physiquement à la course. J'ai marché un peu par la suite avec ma compagne à l'extérieur. Ensuite, j'ai fait du magasinage, façon de parler. Il n'y avait pas grand-chose à acheter quand je me suis présenté dans le centre d'achat. Ensuite, après-midi, j'ai fait des mouvements de yoga pendant une bonne période de temps. Yoga plus de type yin que j'aime pratiquer chez moi. Des mouvements qui mettent l'accent sur la détente, la souflex pour être en contact avec le ressenti corporel, puis aller chercher la flexibilité. Tandis que l'entraînement physique visait une stimulation au niveau cardio-respiratoire par rapport au cœur en m'activant, en courant, par court intervalle rapidement. Donc, puis là, je me mettais à respirer rapidement pour accélérer le rythme cardiaque, puis brûler les calories. J'ai mangé quand même pas mal là, dans les derniers jours. Donc, puis nettoyer aussi mon organisme. Faire le jeûne pour moi, c'est de faire une pause alimentaire pour donner un moment de repos aux organes internes comme, par exemple, les reins. Surtout que j'ai bu du vin dans les derniers jours, ben le vin qui est filtré par les reins, naturellement, ça demande de l'énergie, les intestins aussi. Parce que c'est sûr que le traitement de la nourriture à travers nos organes internes demande une certaine quantité d'énergie. Donc, j'ai décidé de faire cette pause-là, puis boire de l'eau. Ben c'est sûr qu'à quelque part, je me décontamine dans un certain sens par rapport à l'excédent de nourriture que j'ai pris pour me réajuster. Sinon, défier ses croyances, le point que je voulais dire dans le cadre de l'enregistrement, puis l'idée est très simple, c'est des fois d'avoir l'audace de faire des choses qui nous sortent d'idées préconçues, de préjugés qu'on peut avoir pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y en est. Puis concrètement, ben je réalisais au fil du temps que si je veux m'entraîner physiquement avec une certaine intensité, ben je suis bien mieux de jeûner que de manger un gros repas. Puis de me sentir très lourd. Là, à ce moment-là, j'ai moins d'énergie parce qu'une partie de mon énergie, de mon corps biologique, est occupée à faire le traitement de la nourriture à l'intérieur de ce dernier. Défier ses croyances aussi, si je l'amène dans une dimension plus occulte, c'est de communiquer avec l'esprit, puis à regarder qu'est-ce qui émerge. Qu'est-ce qui émerge, des fois, ça ne nous fait pas tant plaisir. Comme moi, en tant qu'individu, je vous dirais que d'être confronté à des mesures sanitaires, le fait que, par exemple, pendant le temps des fêtes, je ne peux pas aller dans un magasin, aller voir des livres, alors que je pouvais avant, le fait qu'il y a beaucoup de mes libertés qui sont limitées, je trouve ça très contrariant. En tant qu'individu, là, les mesures de confinement, les mesures de distanciation sociale, en tant qu'individu, ça me déplaît. Par contre, je peux regarder avec mon esprit pour lui demander commenter tout ça, pour regarder les réponses qui vont émerger. Puis des fois, quand je pose des questions à mon esprit, les réponses qui émergent font pas l'affaire de mon ego. Puis ça peut être un indicateur que les réponses que je reçois sont réelles. Parce que si c'est des réponses qui font toujours l'affaire de mon ego, à ce moment-là, il faut faire attention. Parce que l'esprit, oui, peut aller dans le sens de l'ego si l'ego est transparent puis est harmonisé avec lui. Mais ça se peut que l'ego, moindrement que de l'orgueil, qui est sous influence astrale, qui est voilé, la qualité des réponses va être en relation avec ça. Donc, c'est sûr que si je parle en fonction du principe de plaisir, en tant qu'ego, moi, mon plaisir de vie, ben, c'est d'être capable d'aller librement dans les centres d'achat pendant le temps des fêtes. Et là, je me suis fait priver de ça. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que les membres du gouvernement du Québec croient faire le bien en limitant la vente d'objets ici dans les centres d'achat à des objets essentiels? Ça me dit oui. Donc, est-ce que le premier ministre François Legault, qui dirige le Québec, dans le fond, cherche à vouloir faire le bien par rapport à sa conception du bien en mettant en place les mesures sanitaires? Oui. Est-ce que le ministre croit sincèrement que les urgences peuvent être débordées? Oui. Donc, est-ce qu'il est bonne foi par rapport à ça? Oui. Je peux poser différentes questions. Ce que ça me dit, en fait, des fois, je pose même pas des questions, puis ça me parle intérieurement. Ce que ça me dit, c'est que les gens au pouvoir au Québec, dans la plupart des cas, en mettant en place les mesures sanitaires, compte tenu de la compréhension des choses qu'ils ont, croient faire le bien. Sauf que la problématique, c'est que, à quelque part, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. En lien avec ça, ce qui me vient en tête, c'est par rapport à qu'est-ce que je vis, hein? On va y aller avec du concret. Moi, j'ai une grand-mère qui est âgée de 97 ans. J'ai déjà mentionné dans les enregistrements, elle a un pacemaker, donc un appareil pour ajuster son rythme cardiaque. Et puis, dans le fond, par rapport à l'idée qu'elle voit des gens ou non pendant le temps des fêtes, à la différence des autres années, moi, en tant qu'individu, mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est l'individu individuellement qui a à prendre la décision à savoir s'il assume ou non le risque d'être contaminé potentiellement si cette personne-là rencontre d'autres personnes en personne. C'est à l'individu lui-même de prendre la décision pour lui qu'est-ce qu'il en est. C'est sûr, si la personne est lucide, là, on ne parle pas de quelqu'un qui est atteint sévèrement d'Alzheimer là, ou que des pertes cognitives significatives, mais si la personne est encore lucide, c'est à elle de décider. Donc, ça, c'est ma perspective. Mais pendant ce temps-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un oncle qui, lui, il n'est pas intéressé à ce que ma grand-mère voit des gens. Puis lui, il veut bien faire pour la protéger parce qu'il a peur. Il a peur que ma grand-mère attrape le virus. Il a peur qu'elle en meure. Fait que lui, son intention, c'est de bien faire, c'est de protéger ma grand-mère. Mais le point, c'est que son désir de protéger ma grand-mère s'impose, cherche à s'imposer à elle, donc à faire ingérence dans sa vie. Donc, c'est là où ce qui peut arriver des situations où des gens bien intentionnés comme cet oncle vont faire interférence sur la vie de d'autres personnes en croyant sincèrement faire le bien, mais en voyant pas qu'en faisant ça, ils vont dominer l'autre. Et surtout dans un cas où ce que ma grand-mère est encore lucide, si elle serait pas lucide, elle serait autre chose. Mais là, elle est encore lucide, donc elle est encore habilitée à prendre des décisions, à savoir si elle voit des gens ou non. C'est, pour moi, c'est individuel. Donc, c'est sûr que, dans le fond, par rapport à tout ça, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a plein de gens de bonne intention. Il y a des gens dans le domaine de la santé que pour eux, de vacciner des personnes âgées, c'est très bon. De faire la promotion du vaccin, c'est bon pour la population. Il y a plein de gens bien intentionnés qui veulent protéger les autres avec grande sincérité. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir ça à l'esprit lorsqu'on est en contact avec la réalité auquel on est confronté de crise de pandémie. Il y a des gens de haute spiritualité et qui ne voient pas qu'à travers leurs agissements, ils dominent, puis dans certains cas, ils vont dominer malgré eux. Et c'est ça qui est subtil, puis il est particulier à composer avec. C'est les gens qui s'imposent aux autres. Et tant que la personne vibre à la peur, elle peut avoir tendance à dominer parce que lorsque la personne a peur, eh bien, elle va chercher à contrôler. Et quand on contrôle, ben ça mène à la mise en place de mesures comme, par exemple, on voit là avec les magasins où ce que les biens qui sont jugés par le gouvernement comme étant non essentiels, qui ne peuvent pas être vendus. Donc, ça amène des agissements comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont loin par rapport à Internet. Ils vont dire que, bon, les dirigeants ça donne des différents pays, des rituels sataniques. Il y en a qui vont dire qu'ils vont changer en extraterrestres reptiliens ou il va y avoir des abus sexuels rituels de jeunes enfants. Donc, par rapport à tout ça, il y en a qui amènent ça loin. Je dis pas que ça n'existe pas, là. Mais ce que je capte vibratoirement, je vais prendre la situation du Québec, là. Par rapport à François Legault, qui est le premier ministre du Québec. Ce que ça me dit intérieurement par rapport à sa gestion, dans sa gestion de mettre des mesures sanitaires, il croit bien faire. Et ce que ça me dit par rapport à ça, c'est sûr que cet individu-là vibre à la peur, puis il n'y a pas une conscience multidimensionnelle du réel. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui accusent lui de pratiquer des rituels sataniques, faire partie d'un ordre satanique, moi, ce que ça me dit, c'est non. Il ne fait pas partie d'organisation de cette optique-là. Par contre, ce que ça me dit, c'est qu'il est en contact avec des organisations internationales comme l'ONU, qui cherche à faire pression sur les politiques du gouvernement. Il est en contact avec des lobbies puis des gens d'affaires. Il est en contact avec des gens de l'industrie pharmaceutique qui ont aussi leur influence, qui cherchent à influencer, en fait, le gouvernement. Je vais poser des questions par rapport à d'autres sujets à mon esprit. Puis je vais regarder qu'est-ce qui émerge. Croyez pas ce que je dis, hein? Vérifiez par vous-même. Est-ce que la crise sanitaire actuelle va se régler rapidement? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on en a encore pour plusieurs mois? La réponse, c'est oui. Puis ce que ça me dit, c'est que c'est un petit peu comme l'influenza, ce qu'on appelle communément la grippe saisonnière par temps froid. La grippe qui peut avoir cours à l'automne, également à l'hiver. Donc, tant que la température est froide traditionnellement, et ça, c'est un secret pour personne, le cas de gens contaminés par la grippe est plus élevé. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est la même chose par rapport au coronavirus. Donc, autrement dit, jusqu'à temps que la température devienne plus chaude, probablement au mois de mai, probablement qu'on va avoir encore des restrictions quand même assez importantes dans les différentes régions du Québec. Puis par la suite, lorsque la température devient plus chaude, à ce moment-là, le nombre de cas va sans doute diminuer et ça va être plus facile à gérer. Donc la voyance que je peux faire dans une certaine mesure par rapport à ça, c'est ce que ça me dit. Ou sinon, ce que ça me dit, des fois, c'est confrontant parce que ce que ça me dit intérieurement, arrêtez de vous casser la tête par rapport au coronavirus, occupez-vous de votre vie. Là, ça faisait plusieurs journées que ça me disait ça, puis j'étais un petit peu léthargique à regarder sur YouTube des danseurs d'alerte ou des vidéos ou des téléséries. Ben, en fait, la télésérie, le Survivor désigné, ben, j'ai commencé à regarder ça en temps des fêtes que je parlais tantôt. Puis là, je vois qu'il y a plusieurs épisodes sur plusieurs saisons. Fait que j'en ai encore pour plusieurs heures. Puis ça me change les idées. Mais le point, ce que ça me dit, c'est de me mêler de mes affaires puis continuer à faire, m'entraîner physiquement. Ensuite, les exercices d'étirement, de yoga. Ensuite, passer du temps agréable avec ma compagne. Donc, avoir un mode de vie sain. Ce que ça me dit, c'est pas de céder à la peur. Parce que quand on a peur de quelque chose, c'est ce qui fait des fois qu'on va passer plus de temps à écouter la télévision. Donc, c'est une nouvelle qui occasionne la crainte, l'anxiété. Souvent, les gens vont porter plus attention à ça que si c'est une nouvelle qui est joyeuse. Donc, puis les gens sont programmés à la base par rapport à ça sur le plan biologique, dans le sens que les ancêtres des êtres humains actuels, lorsqu'ils entendaient, par exemple, le bruit d'un animal sauvage qui rugit, bien, ils pouvaient avoir peur puis concentrer leur attention sur ce stimuli auditif plutôt que d'accorder leur attention, par exemple, sur le son d'une rivière qui coule tranquillement. Pourquoi? Ben, c'est la question de l'instinct de survie. Donc, c'est sûr que s'il y a un bulletin de nouvelles où on parle que 2000 nouveaux cas de gens qui sont atteints du coronavirus ici au Québec, ça attire avec une image sous fond rouge, puis un bandeau en bas d'écran rouge également, ça attire plus l'attention que si on parle dans le bulletin de nouvelles de la sortie d'un nouvel album de musique. Donc, on est programmé pour avoir peur à certaines nouvelles. Il faut faire attention par rapport à ce biais-là. C'est un biais qui est lié à une programmation liée au niveau psychologique en relation avec nos ancêtres. C'est lié à l'instinct de survie. Il faut aller au-delà de ça. Donc, c'est sûr que par rapport aux conversations que j'ai avec mon esprit, parce que je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs et qu'on peut amener l'esprit à commenter certaines choses. Donc, si je pose... Il y a des questions que j'allais dans une direction dans les derniers jours. Avoir certaines craintes par rapport, entre autres, aux vaccins qui sortent rapidement, les compagnies Pfizer, Moderna. Et par rapport aux vaccins, je regarde ce que ça me dit intérieurement. Ce que ça me dit intérieurement, présentement, il n'y a pas dans le vaccin une puce sous-cutanée qui... L'optique, c'est pas de mettre en place une puce sous-cutanée là, dans le vaccin là, à la population. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas ça. Par contre, ce que ça me dit, c'est que c'est un vaccin qui est amené rapidement sur le marché, puis que les gens qui font ça sont sous pression, sont sous tension, parce que présentement, il y a une course à la vaccination. Il y a des entreprises qui ont dépensé plusieurs milliers de dollars là, en termes de recherche. Et c'est sûr que la compétition entre les entreprises qui fait que par la suite, ils peuvent avoir des contrats avec le gouvernement qui valent plusieurs millions, bien, ça fait en sorte que c'est la première qui obtient le contrat qui va empocher l'argent, tandis que l'autre, que son vaccin n'est pas retenu par le gouvernement, à ce moment-là, elle ne va pas faire autant d'argent, là, naturellement. Là. Donc, cette compétition fait en sorte que le vaccin a été fait rapidement. Donc, il y a des choses que ça me dit intérieurement, donc la crainte que, par exemple, dans le vaccin, on cherche à mettre en place une puce cutanée, oubliez ça. L'idée qu'on veuille empoisonner les gens avec le vaccin actuel, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas l'intention fondamentale des producteurs de vaccins. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'intention fondamentale des producteurs de vaccins, c'est de faire de l'argent avec le vaccin puis apporter une solution. Par contre, ce que ça me dit intérieurement, c'est que le vaccin peut avoir des failles, étant donné que les gens qui ont fait ce qu'on appelle ces vaccins, ce que certains autres appellent des thérapies géniques, n'ont pas un mental qui est intégral, donc ils n'ont pas une compréhension multidimensionnelle du réel. Et tant qu'ils fonctionnent à partir d'un mental qui est linéaire, c'est du fonctionnement essai et erreur. Donc, autrement dit, ils peuvent faire quelque chose, puis sur le plan expérimental, avoir à se réajuster. Puis là, à ce moment-là, ils développent ce qu'on appelle au niveau de l'âme une sagesse expérimentale. Donc, c'est de l'essai et de l'erreur. Tandis que si les gens qui créeraient des vaccins auraient une compréhension intégrale du réel, bien, ça serait pas pareil. Donc, s'il y aurait une compréhension aussi des lois de la vie puis des lois de la mort, ça serait possible que certaines personnes ne chercheraient pas nécessairement à faire un vaccin dans l'espoir spirituel de sauver tout le monde. Parce que, à quelque part, on réaliserait que c'est pas tout le monde qui ont nécessairement à survivre par rapport au coronavirus. Donc, c'est sûr que ce que ça me dit intérieurement, puis il y a des choses qui sont pas nécessairement politiquement correctes, qui font pas nécessairement plaisir au beau discours rassembleur de politiciens, mais ce que ça me dit intérieurement, c'est que le coronavirus peut servir à faire le ménage par rapport à des individus. Donc, il y a des gens qui, dans le fond, ils ont à sortir de la programmation planétaire et d'attraper le coronavirus puis d'en décéder, comme d'attraper l'influenza puis d'en décéder. Ça peut s'inscrire dans une dynamique d'événements qui sont en relation avec un processus d'exfiltration d'une âme d'un système de vie, c'est-à-dire la sortie d'une âme d'un système, on parle ici du système terrestre, pour aller ailleurs. Donc, autrement dit, ce qui intéresse les plans de la lumière, ce que ça me dit intérieurement, c'est le potentiel évolutif d'une personne. C'est pas le garder dans un état de stagnation évolutive pendant 20 ans là, dans une résidence de personnes âgées à pas faire grand-chose. Là, je caricature. Faut pas que... Ah, c'est intéressant. Ce que ça me dit, faites attention à ce que vous dites parce que votre propos pourrait paraître comme étant méprisant. Je vais réajuster ça. Ce que ça me dit, c'est que dans certains cas, il y a des gens qui sont des retraités dans des résidences de personnes âgées, Puis la dynamique des échanges qu'ils ont avec d'autres retraités ou avec le membre hospitalier participe à des ajustements de l'ego. Donc à ce moment-là, ces individus-là ont une fonction. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement une fonction. Puis, ces gens-là ne décèdent pas du coronavirus, ben, ils vont peut-être décéder d'une crise cardiaque, ils vont peut-être décéder du cancer. Ils peuvent décéder de plusieurs choses. Puis des fois, des choses qui sont combinées, comme une crise cardiaque, coronavirus, ou coronavirus avec du cancer ou avec autre chose. Donc des fois, des gens affaiblis. Le point par rapport à ça, le coronavirus, dans le fond, là, tu, vous voyez, ça bloque un peu, là. Mais ce que ça me dit, c'est que les coronavirus vont amener aux systèmes gouvernementaux à voir plus clair par rapport aux failles qui étaient déjà présentes. Donc, si, par exemple, le système de santé québécois par rapport aux hôpitaux, les urgences, les résidences de personnes âgées, il y avait des failles importantes, ben le fait d'être exposé à la menace d'un virus va mettre davantage en lumière ces failles-là. Et si les membres du réseau hospitalier, si les syndicats, si les gouvernements tirent profit de la compréhension des lacunes du système, ben, ils vont apporter des ajustements intelligents. Mais ce qui empêche d'avoir des ajustements intelligents de se produire, c'est toujours l'orgueil. Si, par exemple, les syndicats sont très orgueilleux, qu'il n'y a pas nécessairement une volonté d'ajustement à l'avènement, ben ils vont être réfractaires à certains éléments amenés par le gouvernement. Et si le gouvernement est très orgueilleux, ben il ne remettra pas en question sa façon de gérer les hôpitaux. Puis il peut, à ce moment-là, accuser, s'il y a des éclosions, les gens de la population en général, pour pas... quelque part mettre son ego sur la table, sur la place publique. Donc, au lieu de reconnaître ses torts, si les dirigeants du gouvernement sont orgueilleux, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils vont accuser les gens de la population. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est d'être capable de réaliser, en regardant les agissements du gouvernement puis les membres de la société, c'est quoi leur faille? Si un gouvernement, par exemple, va accuser une minorité qu'elle va appeler de complotistes, de conspirationnistes qui vont faire de la désobéissance civile aux consignes qui sont amenées, puis tenir la responsable entièrement du nombre de cas qui, par exemple, peut augmenter de coronavirus totalement cette frange de la population. Ben à ce moment-là, ça nous permet de nous renseigner que sur le fait que le gouvernement cherche à avoir un bouc émissaire pour le tenir responsable de tous les maux de la société. Donc, si ça va pas bien, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'une minorité. Que le gouvernement cherche à mettre en échec une minorité puis de rallier la population en disant, c'est de la faute d'une minorité si ça va mal pour qu'il y ait un ennemi commun, pour que l'attention des gens soit centrée sur cette minorité qui est qualifié d'irresponsable ou de covidiot par certains chroniqueurs québécois, ben ça peut servir à faire diversion par rapport au cafouillage du réseau de la santé, puis camoufler ça, puis masquer ça. Ça peut avoir ça comme fonction. Donc, c'est pour ça que la série que j'écoute, le survivant désigné, où il est question que le gouvernement cherche, par exemple, à faire diversion en blâmant un terroriste de l'attaque du Capitole aux États-Unis dans la télésérie, alors qu'il y a le complot a été orchestré par d'autres personnes à l'interne. Ben, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire voir une tactique politique qui peut être utilisée. Puis là, on voit dans la tactique politique qui est utilisée présentement, c'est qu'une minorité qui est blâmée. C'est la même tactique, en passant, qui avait été utilisée dans l'Allemagne nazie. Lorsque ça allait mal en Allemagne nazie, avant l'Allemagne nazie, devrais-je dire, à cause de suite à la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand était lourdement endetté. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, les membres du parti nazi, ben, ils accusaient les Juifs, ils accusaient les banquiers juifs. Donc, c'est les Juifs qui étaient désignés par cette société comme étant le bouc émissaire, responsable de tous les maux sociaux. Et par la suite, ben c'est sûr que ça a amené à une escalade, une stigmatisation sociale des Juifs, à leur retirer progressivement des droits sociaux. Le droit, par exemple, si on pense à la Pologne qui a été envahie par les nazis, donc les Juifs ne pouvaient pas aller dans un café, ils ne pouvaient pas aller marcher sur le trottoir, ils ne pouvaient pas s'asseoir sur un banc de parc, et ainsi de suite. Donc, une dégradation des droits. Et c'est sûr que présentement, ce qu'on observe, ben les boucs émissaires du gouvernement puis de Legault, ben c'est ceux qui sont qualifiés de conspirationnistes, ceux qui sont considérés comme covidiots, qui vont pas embrasser le discours officiel, qui dans certains cas vont critiquer. C'est sûr que ça me dit intérieurement que oui, il y a des gens qui vont critiquer le gouvernement, puis c'est exagéré dans leur critique. Ça manque d'ajustement, sont sous influence astrale, puis sont en réaction à l'astralité du gouvernement. Autrement dit, c'est plus que le gouvernement va chercher à mettre en place des mesures de contrôle, de répression sociale, parce que le gouvernement, les membres du gouvernement peuvent avoir sincèrement peur de la menace du virus. À ce moment-là, les gens en réaction par rapport à ça peuvent naturellement avoir peur du gouvernement puis de la mise en place d'une dictature. Mais la subtilité de ce qui se passe, c'est que des mesures de contrôle sont mises en place très fortes, comme empêcher les réunions publiques, la menace qu'il y ait des amendes. Ensuite d'instaurer un climat social de délation. Il est sans doute possible qu'il y ait des membres du gouvernement qui vont dire « Non, non, on ne cherche pas à mettre en place une dictature, on cherche à lutter contre le coronavirus. » Puis ce que ça me dit intérieurement, c'est sûr qu'en tant qu'égo, c'est plate de voir ça comme de capter ça comme ça, mais c'est ce qui m'émerge, c'est que ces gens-là sont sincères. Ces gens-là ne cherchent pas à mettre en place une dictature, ils cherchent à lutter contre le coronavirus avec des mesures, mais implicitement, lorsqu'on fait la lecture de qu'est-ce qu'ils font au nom de la peur, ben de renouveler à tous les deux semaines l'état d'urgence, mettre en place des mesures de plus en plus grandes de contrôle de la population, c'est des mesures qui vont dicter les comportements, puis c'est pas des mesures qui ont été votées par la population générale. Il n'y a pas eu des élections à ce sujet-là. Moi, j'ai pas voté une élection pour ne pas célébrer Noël cette année, bien entendu. Ben non. C'est pas en fonction des citoyens. Mais le gouvernement dit « Ah, on va imposer ça aux citoyens. Les citoyens ne savent pas ce qui est bon pour eux autres. » Donc, ça infantilise les citoyens. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent avoir un manque de maturité. J'en conviens. Ou des enfants, etc. Mais encore là, est-ce que ça justifie d'imposer tout ça? L'autre élément, ben c'est sûr que ces mesures-là, quand on en regarde ça d'un point de vue extérieur, on peut se poser la question à quel point c'est justifié puis à quel point c'est efficace. Mais moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est que dans le passé, j'ai jugé sévèrement le gouvernement. Par contre, le point que je veux mentionner, c'est que oui, il y a des intérêts malveillants qui existent sur le plan occulte, il y a des entités astrales qui cherchent à mettre en place une dictature au niveau planétaire. Ces entités-là sont sournoises parce qu'elles vont chercher à manipuler des gens qui ne sont pas conscients que la pensée vient d'ailleurs, puis mettre dans la tête à ces gens-là que pour le bien de la société, vous allez imposer à la population des mesures contre son gré, puis dans le futur, dans les prochaines générations, on va remercier le gouvernement actuel d'avoir fait ça, puis d'avoir géré en bon parent. Donc, puis le gouvernement va être vu comme étant un pionnier en matière de gestion de crise. Donc, il y a des gens qui peuvent voir les choses comme ça. Les gens qui gouvernent, si ces gens-là n'ont pas un mental qui fusionnait avec l'esprit, ils n'ont pas une compréhension des enjeux occultes de leurs actions. Fait qu'à ce moment-là, ils sont manipulés par des pensées qui leur échappent. Puis ça leur dit intérieurement, je vais augmenter les mesures de contrôle parce que j'aime mieux en mettre plus que pas assez pour éviter le nombre de morts. La personne, ça y parle comme ça au jeu, puis elle va se mettre en action par rapport à ça, va faire un beau discours devant la population pour annoncer l'augmentation des mesures, puis elle se voit comme étant quelqu'un qui est une personne qui va aider à la sauvegarde de la nation québécoise. On peut faire un copier-coller pour différents pays parce que le scénario est quand même assez similaire. Mais la personne ne réalise pas nécessairement les effets néfastes des actions, etc. Puis n'est pas consciente non plus de la vibration qui est derrière les actions. Dans le sens qu'elle ne percevra pas la vibration astrale qui peut être présente. Si je pose la question à l'esprit, est-ce qu'il y a de l'intelligence dans les mesures de confinement présentement? Je suis obligé de reconnaître que oui, dans le sens que le gouvernement a de la difficulté à gérer les hôpitaux et que dans les années précédentes, les urgences étaient constamment débordées. Donc, à ce moment-là, de vouloir limiter la propagation, à quelque part, c'est une bonne chose. Par contre, est-ce que le gouvernement, avec ses mesures, va empêcher totalement la propagation du coronavirus? La réponse est non. Est-ce que le gouvernement va empêcher la prolifération d'autres virus? La réponse est non, parce qu'ils n'ont pas une capacité d'amener des changements à ce niveau-là. Ils n'ont pas la capacité d'avoir un mental suffisamment vibrant pour commander à la matière, pour mettre fin à la prolifération de virus donnés, parce que chaque virus a une fréquence. Et éventuellement, les êtres humains nouveaux ont la capacité d'émettre une onde forme pour faire éclater la forme du virus. Un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui va avoir une capacité de chant hors pair va être capable de chanter une certaine fréquence et faire éclater, par exemple, une coupe de vin en vitre ou en cristal. Ben, je vais dire en vitre, hein, parce que du cristal, ça coûte cher. Donc, autrement dit, les êtres humains nouveaux, parmi eux, il y aura éventuellement des initiés qui ont la capacité, à partir de la parole, être capable de générer une vibration à la surface de la Terre qui va faire voler en morceaux, éclater en miettes, différents types de virus. S'ils en ont la vibration, parce que les nouveaux initiés peuvent réaliser que, à quelque part, les virus par une fonction de filtration sociale, c'est-à-dire, à ce moment-là, les gens qui peuvent être atteints par le virus, c'est qu'à quelque part, dans certains cas, c'est qu'ils ont à vivre le virus parce que ça fait partie de la fin de leur programmation sur le plan biologique. Car toute programmation biologique qui, à un certain niveau, connaît une certaine forme de stagnation est vouée à se terminer et le virus peut être un prétexte par rapport à ça. Par contre, il ne faut pas conclure que c'est tous les gens qui meurent du coronavirus qui vivaient un état de stagnation évolutif, naturellement. Il y a des gens qui peuvent évoluer très longtemps, mais à un moment donné, sont rappelés aussi pour œuvrer à un autre niveau. Donc, c'est pas parce qu'une personne décède que ça veut dire nécessairement qu'elle vivait une stagnation évolutive. Par contre, ça veut dire que c'est le temps qu'elle passe à autre chose. Mais éventuellement, ce qui est intéressant, puis l'image qui me vient en tête, c'est que les nouveaux initiés, ça c'est dans un futur lointain, fait que je ne parlerai pas longtemps parce que c'est toujours par rapport à de l'avenir lointain, puis ça m'achale parce que, premièrement, je suis pas capable de vivre ça présentement. Mais je sais qu'éventuellement, le virus, c'est un petit peu comme un algorithme, une équation mathématique avec un code. Puis, on va émettre une vibration sur la même longueur d'onde, puis le virus est neutralisé par l'état vibratoire. Par contre, si on neutralise un virus, ça ne veut pas dire que les autres virus peuvent être neutralisés. Il faut générer une autre longueur d'onde pour un autre type de virus. Ce qui me vient en tête, c'est intéressant, c'est comme une clé énergétique. Donc, si on a une clé physique, puis on la rentre dans une serrure, ça ouvre une porte. Même chose au niveau vibratoire. Donc, un certain type d'onde émise va pénétrer la structure biologique, la forme que représente le virus, puis le faire éclater. Donc, et c'est sûr qu'éventuellement, les nouveaux outils pourront reconfigurer la matrice planétaire pour neutraliser l'activité de certains virus. Parlant de virus, il y a des gens qui parlent dans les médias qu'en Europe, notamment en Angleterre, il y a présentement une deuxième version de coronavirus qui est apparue, une version modifiée. Et je vais regarder qu'est-ce que ça me dit présentement par rapport à ça. Ce que ça me dit, c'est que le virus se modifie tout le temps. Puis là, on parle d'une deuxième version, mais en réalité, il y en a plein. Puis avant que le coronavirus SRAS 2 existe, ben il y avait le SRAS 1 il y a quelques années qui avait été mis de la scène par les médias, mais dans le passé, il y en a eu plein. Et là, on crée une cartographie mentale très sophistiquée par rapport au virus. On va les étudier d'une manière très fine pour parler d'une version ou une autre version. Mais ça, c'est des catégories intellectuelles. Parce que à quel niveau de stade de mutation entre une version puis une autre qu'on peut parler d'une deuxième version? Ben, il faut qu'il y ait des micro-modifications suffisantes pour en venir à ça. Puis ça, c'est de la cartographie. C'est un petit peu comme, par exemple, on va parler de la couleur rouge et on va mettre un petit peu de jaune, on va dire c'est du orangé. Bon, ben, on peut créer des sous-catégories. On peut dire qu'il y a un orangé un peu plus rougeoyant, un peu plus foncé, puis un autre orangé qui est un peu plus pâle, qui va tirer plus sur le jaune. Mais ça, c'est en lien avec un mental intellectuel qui analyse les choses. Et on peut créer, étant donné l'attention médiatique qu'a le coronavirus à l'heure actuelle, on peut créer des catégories très fines pour catégoriser le virus puis parler de ses mutations. Mais arrêtez dans la nature. Il y a eu plein de versions du coronavirus dans le passé. Puis je vous annonce en primeur qu'il y en aura plein aussi des nouvelles. Parce qu'il y a des mutations. Et c'est sûr que ça fait partie de la vie. Par rapport à l'objet de l'enregistrement qui était de défier ses croyances, l'un des défis que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de parler à voix haute par rapport à quelque chose qui vous pose problème, qui vous contrarie, pour regarder qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, si je réfléchis aux agissements des gouvernements à l'heure actuelle, en particulier celui du Québec, hein, je vais parler d'où ce que je suis, parce que je vis dans la province du Québec, je vais dire, ah ben, le gouvernement, ça n'a pas de bon sens, telle action qu'il fait. Puis ce que ça me dit intérieurement, c'est que pour les membres du gouvernement, ça a du bon sens pour telle ou telle raison, puis eux autres croient bien faire, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, être capable de parler à voix haute permet d'avoir une lecture par rapport à certaines choses. Et c'est sûr que ça nous permet de recadrer aussi certaines situations, certains événements. Et c'est sûr que par rapport à la crise, si je pose la question à l'esprit, c'est quoi qui va nous amener à sortir de la crise du coronavirus? L'information m'est voilée. Ce que ça me dit intérieurement, puis on verra bien, hein? Parce que là, ce qui me parle à l'intérieur se trompe, hein? Ou ça change, parce que tout bouge tout le temps. Ce que ça me dit, c'est ce qui va arriver, c'est que il va y avoir une saturation de la population par rapport aux mesures qui va arriver à un moment donné, qui va faire en sorte que les gens vont être capables d'aller au-delà de la peur. Puis ils vont exiger plus d'explications au gouvernement. Puis c'est l'instinct de survie qui va être mis en activité à mesure qu'il va y avoir des faillites personnelles au sein de la population puis une tension énergétique. Autrement dit, il y a des gens qui vont oser de plus en plus demander des comptes au gouvernement. Ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une augmentation du nombre de poursuites qui va être faites à l'égard du gouvernement du Québec, entre autres. Puis des gens qui n'osaient pas parler puis critiquer le gouvernement vont oser le faire. Et c'est quand que les personnes n'ont plus rien à perdre que les gens vont se mettre en action. Mais si je pose la question à l'esprit, fondamentalement, l'histoire des mesures, est-ce que c'était justifié par rapport à la faiblesse du réseau de la santé? Ça me dit oui, totalement. Donc, ce que ça me dit intérieurement, puis là, je suis plus en paix avec la situation, que j'ai accepté dans certaines mesures de la situation, parce que ce que ça me dit, ben, l'image me vient en tête, parce que j'ai écouté un reportage il y a quelques jours, donc du mémorial qui ressurgit à travers cet enregistrement, où il y avait un animateur radio qui disait que dans les 10 années précédentes au Québec, les urgences étaient toujours débordées au mois de janvier. Puis c'est des faits. Pourquoi? Ben parce que depuis longtemps, le réseau de la santé est mal géré, ce qui fait en sorte, puis il n'y a pas de correctifs significatifs qui sont mis en place, ce qui fait en sorte que depuis 10 ans, il y a des débordements dans plusieurs urgences québécoises, des hôpitaux. Puis c'est sûr que si la tendance se maintient, qu'est-ce qui va arriver pour l'année 2021? Ben c'est un débordement de l'urgence. Donc, le gouvernement, pour freiner ça, ils ont mis en place des mesures assez draconiennes pendant le temps des fêtes, à empêcher les rassemblements, etc. Mais le point qui échappe au gouvernement, c'est une perspective multidimensionnelle, entre autres par rapport aux effets collatéraux, des dommages qu'ils peuvent occasionner, puis aussi d'une compréhension que les gouvernements peuvent pas tout contrôler et que si les gens meurent pas du coronavirus, ils vont peut-être mourir d'une chute dans l'escalier, ils vont peut-être mourir... chute dans l'escalier, c'est un petit peu extrême, là. Ben, à part si c'est un escalier qui a 5 étages, hein, peut-être pas d'un étage, mais là, si la personne tombe en bas de 5 étages, peut-être, ou d'un accident d'automobile. Donc, la vie va occasionner d'autres éléments. C'est sûr que les membres du gouvernement, leur mandat, ça va être naturellement de préserver la vie de la population. C'est un mandat qui est valide, qui est valable en ce sens, mais c'est toujours de regarder les contre-coups. Si, par exemple, je prends le cas de ma grand-mère de 97 ans, si elle a s'imposé de ne pas voir des gens, puis elle ne meurt pas du coronavirus, mais elle meurt d'ennui parce qu'elle est toute seule chez elle, est-ce que c'est plus intelligent ou d'empêcher une dame comme elle de 97 ans, on ne sait pas si ça va être encore vivante dans un an pour célébrer nouveau Noël? Donc, sous prétexte de la protéger d'une menace, d'un virus qui pourrait entraîner la mort, on l'empêche de célébrer Noël, puis finalement, avec les proches, puis de les voir pendant le temps des fêtes, puis peut-être dans 2 mois, elle va être décédée, liée à un malfonctionnement de son cœur associé au fait que, justement, elle a un pacemaker, puis le pacemaker, bien, la batterie n'est pas éternelle, c'est à peu près 10 ans en moyenne. Donc, peut-être qu'elle va être morte dans 2 mois, puis finalement, avec le recul, on va se réaliser qu'on on lui a empêché de voir ses proches pendant le temps des fêtes, mais en réalité, est morte, puis elle ne pourra pas les voir de nouveau pour célébrer le temps des fêtes. Donc, il y a des enjeux comme ça aussi qui sont à prendre en considération, et c'est sûr que ça demande une subtilité dans le discernement. Et c'est sûr que ça me dit intérieurement, ben les règlements qui sont mis en place par les gouvernements, c'est pour la population en général et ça prend pas en compte naturellement ces subtilités-là qui peuvent être prises en considération par une lecture individuelle. Et le fait que la gestion des populations n'est pas faite en tenant compte de l'individualité de chaque individu impliqué dans la situation va créer des dommages collatéraux, va créer différents types de problématiques occasionnées par rapport à ça, des contre-coups. Et tant que les gouvernements gèrent pour la masse et sur leur fonction, en passant à l'époque actuelle, il y aura toujours des contre-coups puis les décisions ne seront jamais parfaites. Par contre, l'intelligence, si elle descend au sein de l'administration des gouvernements, ça va être de réajuster de plus en plus le tir dans le cadre d'une perspective expérimentale pour ajuster les mesures à la population. Comme présentement, dans ce deuxième confinement, les gens seuls ont le droit de rencontrer une autre personne seule. Bon, mais c'est une amélioration à comparer du confinement qui avait eu cours au mois de mars de l'année 2020 où les gens pouvaient seulement rester chez eux, ils ne pouvaient pas aller visiter d'autres personnes. Et c'est sûr que si on empêche les gens de voir d'autres personnes en physique, puis il n'y en a pas du tout, là, ne serait-ce qu'un par un, ben il y a des gens qui risquent de sombrer dans la dépression, avoir des idées suicidaires ou sombrer dans des problèmes d'alcoolisme, dépendance à la consommation de drogue, la marijuana, etc., développer différentes problématiques liées à un isolement trop strict. Donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits entre le premier et le deuxième confinement. Si on pense par exemple au commerce, par rapport au fait que dans les commerces, les biens qui sont jugés pas essentiels ne peuvent pas être vendus, ça crée un équilibre par rapport aux petits commerçants québécois qui ont vu leur commerce fermé dans le cadre du premier confinement qui a été entamé au mois de mars de l'année 2020 au Québec, alors que des grandes surfaces comme Costco, Walmart, bien les gens pouvaient aller là acheter non seulement de la nourriture, mais des biens comme des meubles, des vêtements. Donc, c'est sûr que présentement, si les gens ne peuvent pas aller acheter des vêtements chez Walmart, alors que les boutiques de vêtements, qui dans certains cas sont très petites, sont fermées, ça fait en sorte que ces commerces-là ne subissent pas une compétition déloyale, une concurrence déloyale au détriment de gros joueurs de l'industrie de la vente, naturellement. Donc, les gouvernements se sont ajustés par rapport à la première vague. Ça doit être salué. C'est sûr qu'en tant qu'égo, de me présenter dans le centre d'achat, puis de voir que la plupart des commerces, au-dessus de 90%, sont fermés, en période de temps des fêtes, alors qu'habituellement, quand que je me présente lors de cette période-là, c'est plein de monde, il y a plein de personnes un peu partout, c'est bruyant. C'est très différent comme contraste. D'ailleurs, quand j'étais au centre d'achat un matin avec ma compagne, il n'y avait pas personne dans le centre d'achat. On était tout seul, hormis le commerçant de la boutique de cellulaire auquel je faisais référence tantôt. Donc, c'est un contraste qui était présent. Donc, ça m'a permis de voir ça, mais fondamentalement, l'idée de défier les croyances, ça peut se faire naturellement à travers l'action, comme par exemple la pratique du jeûne, ça c'est dans le concret, mais ça peut se faire au niveau de la parole. Et ça, c'est avec l'esprit, la communication que vous pouvez avoir avec votre propre esprit, si vous êtes capable de le canaliser là, naturellement, puis de l'amener à parler sur certaines choses. Parce que comme j'expliquais tantôt, puis je vais conclure là-dessus, c'est qu'on peut réfléchir plein de choses. On peut être sous influence astrale qui nous amène à sombrer le tableau dans notre vision du gouvernement d'une manière exagérée, puis sombrer dans un pessimisme exagéré ou d'une anxiété exagérée par rapport au gouvernement. Donc, noircir le tableau d'une manière exagérée, puis pour avoir l'heure juste, c'est de regarder clairement qu'est-ce qui se passe par rapport à eux. Par contre, l'idée qui est entre autres une conspiration qui existe, moi je suis dans l'optique que oui, mais par rapport à des entités astrales qui cherchent à agir contre l'être humain à son insu, en lui voilant que la pensée vient d'ailleurs, puis en cherchant à l'influencer malgré lui en tant qu'individu pour le retarder dans son évolution puis l'amener à vibrer à la peur. Donc, la conspiration, pour moi, c'est tout simplement des entités dans l'invisible qui vont vampiriser les énergies des êtres vivants en les amenant à croire à des choses extrêmement épeurantes pour les garder dans un état d'inertie. Donc, c'est sûr que si la personne écoute des documentaires sur Internet où il est question que des membres du gouvernement veulent faire un génocide mondial à travers la vaccination, ben puis la personne croit à ça, puis elle a peur, ben c'est malsain. Elle peut vérifier intérieurement si c'est réel ou non, pour se positionner par rapport à ça. Puis moi, quand je vais vérifier des choses, puis je le parle à voix haute, pour moi, François Legault, docteur Hiroshi Arruda, c'est des êtres qui cherchent, d'un point de vue spirituel, compte tenu des informations qu'ils disposent, à faire le bien. Par contre, il y a d'autres niveaux de réalité qui leur échappent, puis ils sont manipulés. Ça ne dit pas ils peuvent, ils sont présentement manipulés par des forces qui les échappent, mais malheureusement, ils n'ont pas la stabilité psychique pour être capables de contenir le réel de leur esprit, puis être transparent suffisamment en égo pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau intra-psychique. Puis ils n'ont pas nécessairement à vivre ça dans l'incarnation présente. Ce qui fait en sorte que ces gens-là ont pas la capacité d'amener une gestion du peuple québécois en relation avec les réalités vibratoires, en harmonie avec les êtres qui constituent le plan éthérique, pour qu'il y ait une gestion qui débouche éventuellement sur une compréhension multidimensionnelle de la réalité. Mais ils font leur possible compte tenu des moyens qu'ils ont. C'est sûr que ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il y a des lobbies d'influence qui vont chercher à les amener dans certaines directions. Donc, que ce soit par rapport à le lobby du complexe pharmaceutique qui cherche à vendre des vaccins, d'en faire la promotion. C'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. J'étais dans plusieurs directions, comme vous avez pu le constater. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.